Copie non conforme. Don't Look Back in Anger de Oasis a été repris en concert à Manchester par Coldplay en 2017. Ariana, we all want to say thank you to you for being so strong and so wonderful. And you've been singing a lot for us, so I think we in Britain want to sing for you. This is called Don't Look Back in Anger, and this is from us to you. Sorry, can't wait.

copie non conforme. The Kings ont publié le titre You Really Got Me Now en 1964. Quant à Van Halen, ils l'ont réactualisé et en ont fait un très gros hit en 1978. Yeah. suicide. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Copie non conforme. This Love Starved Heart of Mine est une chanson de Marvin Gaye, reprise en 2020 par les Anglais de The Jaded Hearts Club. Love's starving heart. Go ahead, do it's your thing. Copie non conforme. On termine cet épisode de Copie non conforme avec Neil Young et son My My Hey Hey, qu'on écoute aussi par les Perpignanais de The Inspector Clouseau. We'll be right back. blue and into the black. They give you this, but you pay for that. And once you're gone, you can't ever come back. When you're out of the blue and into the black. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !